Éjecté, complètement gelé, éjecté. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, ça fait carrément mieux.